الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله المولى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. Donc on continue inchallah sur notre étude et lecture du livre Les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et ses noms. Et donc dans la dernière assise, on avait terminé l'étude de la cinquième règle, et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on va commencer l'étude d'une nouvelle règle, ala wa hiya al-qa'idatu as-sadisa. Al-qa'idatu as-sadisa fi bab as-sifat. قال المصنف رحمه الله تعالى يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وأما العقل فمن وجوه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات للمخلوقات المتباينة في الذوات وقوة البعير مثلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهذا اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصة الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية ونشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. Donc on va déjà traduire cette et étudier cette première partie. La première partie concernant At-Tamthil. Ensuite, la deuxième partie, on commencera, qui sera liée à la deuxième chose, comme on va le voir avec l'étude de ce chapitre, à ce qu'on appelle, et ce qui est nommé At-Takyif, ce qu'on nomme At-Takyif. Donc on va commencer l'étude de cette nouvelle règle, comme on l'a dit précédemment. Alors l'auteur dit, sixième règle concernant les attributs divins, après l'étude des cinq premières règles, l'auteur nous dit maintenant, après qu'il nous a enseigné dans la leçon précédente et dans la règle précédente, qu'il y a des attributs qu'on nomme, des attributs liés qui se rapportent à l'être du créateur, des attributs d'entité, ce qu'on appelle as-sifat dhatiya, et des attributs qu'on nomme as-sifat al-fi'liya, liés aux actes. Et donc maintenant on peut rester sur les termes en arabe, as-sifat dhatiya ou as-sifat al-fi'liya, puisqu'on a bien étudié le sujet dans les assises précédentes, donc on peut rester maintenant sur al-mustalahat, les terminologies en arabe. As-sifat al-dhatiya wa as-sifat al-fi'liya, comme on a appris cela dans l'assise précédente. Et avant, on avait appris aussi qu'il y a des as-sifat qui sont thubutiya et salbiya. Thubutiya et salbiya. En l'occurrence, on a appris que as-sifat al-dhatiya wa al-fi'liya font partie des as-sifat thubutiya. Ce sont deux catégories d'as-sifat, d'attributs, qui font partie des attributs qu'on nomme al-thubutiyya, les attributs affirmés, ou bien d'affirmation. Puisqu'il y a la deuxième catégorie, citée par l'auteur, as-sifat salbiyya, qui sont les attributs niés. Ou on peut dire aussi de manière relative, les attributs de négation. Donc l'auteur maintenant nous enseigne dans cette nouvelle règle. Et pour comprendre cette règle, il faut bien sûr, préalablement, avoir bien compris les enseignements que nous a dispensés l'auteur à travers son œuvre. Qala yalzamu fi ithbat as-sifat at-takhalli 'an mahdhurayn 'azimayn ahaduhuma at-tamthil wa ath-thani at-takyif. L'auteur maintenant nous dit, dans cette sixième règle, c'est ce qu'on va apprendre, il dit, dans l'affirmation des attributs, il faut renoncer à deux dangers majeurs. Donc l'auteur va nous enseigner qu'il y a deux choses interdites dont il faut renoncer à travers l'affirmation des attributs. La première chose, c'est ce que l'auteur nomme At-Tamthil. C'est ce que l'auteur nomme At-Tamthil. Vous avez vu dans la traduction, ils ont employé le terme At-Tashbih. Ils ont employé le terme dans la traduction At-Tashbih. On verra, Inch'Allah, dans ce qui viendra, dans l'explication, les détails entre les deux termes et différence qu'il peut y avoir entre At-Tamthil ou At-Tashbih. Donc la première chose qu'il faut éviter, ce premier interdit, c'est ce qu'on appelle At-Tamthil. La deuxième chose, la seconde, c'est ce qu'on nomme At-Takyif. At-Takyif. Donc on peut rester sur les termes en arabe, pourquoi ? Parce qu'on va bien les expliciter. At-Tamthil, c'est ce qui est appelé souvent l'anthropomorphisme. Le fait d'avoir recours à la similitude, de faire de la similitude, de la comparaison, de donner un semblable. At-Takyif, c'est chercher le comment de l'aisance divine. C'est chercher le comment de l'aisance divine, une traduction rapprochée. Donc l'auteur nous dit, à travers l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal, Il dit il faut être khali al-mahdhurayni azimayni. Il faut vraiment renoncer à ces deux choses, à ces deux interdits, qui sont premièrement at-tamthil et deuxièmement at-takyif. Et là, l'auteur maintenant va commencer à expliquer le premier, qui est at-tamthil. Ensuite, il va expliquer le deuxième interdit, à travers l'affirmation des attributs. Ce qu'on a déjà lu dans la partie arabe de l'œuvre du Shir, c'est l'explication de la première partie qui est at-tamthil. Ensuite, une fois qu'on terminera l'étude d'at-tamthil, on prendra at-takyif, l'étude sur at-takyif. قال ولم يقول التعطيل. Dans le commentaire, l'auteur maintenant, puisqu'on va essayer de comprendre à travers le commentaire, ولم يقول التعطيل لأن التعطيل لا يكون إلا في النفي ونحن نتكلم عما نثبته لله فيلزم أن يتخلى المثبت عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف والثاني التكييف. Premièrement, constater. L'auteur, dans le titre de cette règle, il dit il est obligatoire dans l'affirmation des attributs. Dans l'affirmation des attributs. Ici, l'auteur n'a pas dit dans la négation. Dans la négation. Pourquoi ? Parce que ta'til la yakun illa fi nafi. Wa nahnu natakallam an ma yuthbituhu Allah azza wa jal. Et donc, il n'a pas dit la négation. Pourquoi ? Parce que ça, si on dit at-ta'til, c'est lié au nier. La négation, elle est niée, ou plutôt elle est liée à ce qu'on appelle al-nafi, le nier. De ce fait, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même comme attribut, on ne parle pas de négation. Et là, ce dont traite l'auteur, c'est des attributs affirmés. As-sifat al-thubutiyya. Et donc, il ne traite pas ici du sujet des attributs qui sont niés. On traite as-sifat al-thubutiyya, les attributs affirmés. Ces attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est attribué. فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَخَلَّ الْمُثْبِتُ عَنْ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ. Et donc, lui, le croyant ou la croyante, qui vont affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils se doivent de renoncer à deux interdits majeurs. Ces deux interdits qui sont majeurs, ce qu'on appelle التمثيل ou التكييف. أحدهما التمثيل والثاني التكييف والفرق بينهما أن التكييف عام والتمثيل خاص. La différence entre les deux. التمثيل, donc, c'est donné à semblable, à similaire, comparé. والتكييف, c'est chercher le comment, tout simplement. Chercher le comment de l'attribut divin. Et donc, on a التمثيل, comparé, والتكييف, chercher le comment. La différence qu'il y a entre les deux interdits majeurs, c'est que التمثيل, c'est plus particulier. والتكييف, c'est plus général. التكييف, c'est plus général. والتمثيل, c'est quelque chose de plus particulier. قال فكل ممثل فهو مكيف. Que déduisons-nous ? Qu'est-ce qu'on déduit de ce qu'on vient de citer, de l'enseignement de l'auteur ? فَكُلُّ مُمَثِّلْ فَهُوَ مُكَيِّفْ. Que tout مُمَثِّلْ, toute personne qui fait de la comparaison, alors, on pourrait dire tout comparateur, est مُكَيِّفْ. Al-مُكَيِّفْ, c'est celui qui cherche le comment de l'attribut divin. Alors, la règle dit que tout comparateur est mukayif. وَلَيْسَ كُلُّ مُكَيِّفٍ مُمَثِّلٍ. Mais à l'inverse, ce n'est pas forcément toute personne qui cherche le comment de l'attribut divin est forcément un comparateur. Une personne qui fait de la comparaison. Donc ça, c'est une règle qu'il faut bien assimiler. قَلَا فكل ممثل فهو مكيف وليس كل مكيف ممثل. فمثلا لو أردت أن أصف لك بيتا وأقول صفة البيت كذا وكذا فهذا تكييف لأنه وصف مطلق. ولو قلت لك إن البيت مثل بيتك فهذا تمثيل لأنه وصف مقيد. وهذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف وسيأتي ذكره إن شاء الله. Et dit par exemple, pour bien comprendre ici la subtilité qu'il y a entre le fait de comparer, de donner un semblable et un similaire, et le fait de chercher le comment, de rentrer dans ce qu'on appelle al-kayf, le comment. Il dit par exemple, si tu veux décrire une maison, ou bien moi je voudrais te décrire une maison. أقول صفة البيت كذا وكذا. Alors, les caractéristiques de la maison sont telles et telles, par exemple. Donc je décris la maison en disant les caractéristiques de celle-ci sont telles et telles. فهذا تكييف. Ça, c'est ce qu'on considère du تكييف. Là, on a parlé du comment. La maison, ses caractéristiques, c'est telle et telle chose. Là, c'est le comment. لأنه وصف مطلق. Pourquoi ? C'est considéré comme le كيفية. Le كيف, pourquoi ? Parce que c'est un وصف مطلق. Parce que c'est une description absolue. C'est une description absolue. La maison a telle et telle caractéristique. Donc ça, c'est le comment de la maison. Et donc, c'est une description dans l'absolu. Voilà au culte laka. Par contre, si je te dis innal bayta mithlu baytik, certes, je veux te décrire la maison et je te dis en fait, la maison, elle est comme ta maison. L'appartement, c'est le même que ton appartement. Si je le décris de cette manière, ça c'est du temthil. C'est ça la comparaison. Donc en disant par exemple, on veut décrire une maison, on dit les caractéristiques de la maison sont comme celle-ci, comme cela. Là, on décrit la maison d'une description absolue. C'est considéré comme du takif. On parle du comment de la maison. Par contre, si je veux te décrire la maison ou l'appartement, en te disant, en fait, l'appartement est comme ton appartement, ou la maison est similaire à ta maison. Ça, c'est du temthil. On est en train de comparer. On compare. Premièrement, ça c'est très pertinent, l'auteur nous explique déjà la différence qu'il y a entre at-temthil ou at-takif. Et donc, de ce fait, on comprend que at-takif, décrire, cherchant le comment, en traitant du comment, c'est plus général que le temthil, que la comparaison. Parce que la comparaison, c'est quelque chose de plus spécifique. Et donc maintenant, on comprend pourquoi l'auteur dit « Kullu mumathil mukayif » que toute personne qui fait la comparaison, il est forcément quelqu'un qui a fait du tekif, qui a parlé du comment, qui a cherché le comment. Mais non l'inverse. Toute personne qui a fait du tekif n'est pas forcément mumathil. Par exemple ici, celui qui décrit la maison en disant la maison a telle et telle caractéristique, il n'a pas fait forcément du temthil. Par contre, celui qui dit que la maison est similaire à la tienne, elle est comme la tienne, forcément, il a imaginé le comment. Donc ça, c'est le premier point très important pour comprendre la différence. قَالَ فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فَهُوَ اَعْتِقَادِ الْمُثْبِتِ أنما أثبته من صفة الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. Maintenant, ce qui concerne le domaine de la croyance et du dogme. Maintenant, ce qui concerne le domaine des attributs d'Allah Azza wa Jal, des attributs divins. Qu'est-ce que le tamthil ? Il dit le tamthil, c'est la conviction de celui qui affirme l'attribut qu'Allah Azza wa Jal s'est lui-même attribué que celui-ci est comparable aux attributs des créatures. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Et il dit que cette croyance est erronée et fausse. C'est une croyance caduque et cela est indiqué, prouvé par les arguments textuels ainsi que les arguments rationnels. C'est-à-dire aussi bien les arguments scripturaires, c'est-à-dire les textes, prouvent la nullité de cela, et aussi bien les arguments rationnels. Notre raison nie cela et indique la fausseté de cela. Quelle fausseté? Le fait d'affirmer des attributs en pensant que les attributs divins, les attributs d'Allah Azzawajal, sont comparables aux attributs des créatures, c'est-à-dire des êtres humains. Lorsque nous affirmons les attributs d'Allah Azzawajal, en aucun cas on donne un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'Allah Azzawajal est le seul à détenir les plus beaux noms et les plus beaux attributs, les attributs de perfection. Il est le seul. Et c'est pour cela que c'est une catégorie de tawhid, de monothéisme. At-tawhid fi al-asma wa sifat. C'est-à-dire pour être un mouahid, il faut croire en l'unicité et affirmer l'unicité d'Allah fi al-rububiyya, dans sa seigneurie. Il faut affirmer, croire en l'unicité d'Allah dans le mérite de l'adoration, fil uluhiyya, mais aussi, ça consiste de croire en l'unicité et d'attester de l'unicité d'Allah dans les noms, à travers les noms et les attributs. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est le seul à détenir les plus beaux noms et les attributs de perfection. Personne n'est comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'auteur parle de, premièrement, ces deux interdits majeurs, at-tamthil ou at-takif? Parce qu'il dit, wa hadha mawjoun fil umma. Ça, c'est quelque chose d'existant dans la communauté et dans la nation musulmane. Il y a des doctrines qui ont émergé dans le monde musulman qui ont été partisans, justement, de ces croyances-là. Certaines sont à l'extrême, ont nié catégoriquement les attributs, mais d'autres les ont affirmés avec exagération, en pensant, en ayant la conviction, que les attributs du Créateur sont comparables aux attributs des créatures. Et ça, vous le retrouvez dans certaines doctrines, certains dogmes, et c'est clarifié dans leurs livres. Ils le disent, que les attributs d'Allah Azzawajal sont comparables. Pour eux, ils comprennent les attributs, les affirment, et leur compréhension des attributs, c'est la même que pour les créatures, c'est-à-dire qu'ils sont similaires. Et donc, ils font ce qu'on appelle at-tamthil, ou at-tashbih. Et compare le créateur. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْأُمَّةِ أي مَنْ يُمَثِّلُ اللَّهَ بِالْخَلْقِ. Donc dans la communauté, oui, il y a des doctrines qui ont affirmé les attributs d'Allah en les comparant avec ceux des créatures. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ اسْأَلُونِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أُمَثِّلُهُ لَكُمْ إِلَّا الْفَرْجَ واللحية إلا الفرج واللحية لا أقدر أن أتكلم فيها فبظنه أن هذا من ورعه هكذا نقله السفاريني في شرحه يعني في كتاب لوامع الأنوار لوامع الأنوار jusqu'à ce que un grand savant célèbre dans le domaine du dogme et de la aqida relate dans un de ses livres nommé Al-Lawami' Lawami' Al-Anwar, Al-Sheikh Al-Safarini, l'auteur dans son livre mentionne que jusqu'à ce que l'un des partisans de la doctrine de At-Tamthil et du Tashbih, de la comparaison, disait Is'alouni an kulli shay, interrogez-moi au sujet de toute chose. Umathiluhu lakum. Interrogez-moi sur n'importe quelle chose, je vous ferai de la comparaison. C'est-à-dire, c'est Yumathil. Il vous donnera l'exemple en comparant. Demandez-moi sur, en quelque sorte, avec nos termes à nous, demandez-moi sur ce que vous voulez. Je vous ferai de la comparaison. Du Tamthil. Illa al-Farj est dit. À l'exception, si ce n'est du farj ou l'ihya. À l'exception du fard, je la partie intime ou de la barbe. Sinon, tout le reste, à l'exception de cela, demandez-moi et je vous ferai des comparaisons. Et sawa an saha, et Cheikh Ibn Al-Athaymin nous dit dans le commentaire, il dit ça, l'a transmis à Safarini dans son livre Le Wamir Al-Anwar. Il dit que cette parole elle soit véritable et authentique. Ou bien qu'elle ne soit pas véritable et authentique, فَإِنَّ تَرِيقَةَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ أَنَّهُمْ يُمَثِّلُونَ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُقِ. Ce qu'il faut retenir, c'est que la méthodologie et la voie des anthropomorphistes, puisque ceux qui font de la comparaison sont nommés ainsi et de la sorte, leur méthodologie, c'est de comparer le créateur aux créatures. Comparer le créateur aux créatures. Et on verra ensuite, dans ce qu'on va étudier, la différence qu'il y a lorsqu'on dit comparer le créateur aux créatures, ou bien, à l'inverse, comparer les créatures au créateur. Il y a une différence entre les deux manières d'exprimer la chose. Lorsqu'on dit comparer le créateur aux créatures, là on est dans le domaine de l'asma ou sifat. Il y a une différence lorsqu'on dit comparer le créateur aux créatures. C'est ce qu'on dit, c'est ce que l'auteur a dit. Pourquoi? Parce qu'on est fibab et l'asma ou sifat. Et la différence lorsqu'on dit comparer les créatures au créateur. Les créatures au créateur. Et par exemple, fibab al-rububiyya ou al-uluhiyya, là c'est plus la comparaison des créatures au créateur. Ceux qui, par exemple, ont voué adoration des saints et pratiquent le culte des saints et des morts et les invoquent et leur vouent des adorations, eux ont comparé les créatures au créateur. Et ont donné aux créatures des particularités de la seigneurie du créateur. Pour cela, ensuite, ils les ont adorés, leur voué adoration. Comme par exemple les polythéistes arabes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple les polythéistes du temps du prophète Nuh, alayhi salam. Et comme cela en tout temps. Ils donnent des pouvoirs, des particularités de la seigneurie du créateur. Ensuite, cela les mène à leur vouer adoration. Cela, c'est comparer les créatures aux créateurs. C'est-à-dire, on compare les créatures en leur donnant des particularités, par exemple, de la seigneurie du créateur. On les compare aux créateurs. Tandis que dans Bab al-Asma wa Sifat, dans les noms et les attributs d'Allah, c'est comparer le créateur aux créatures. Comme le stipulent beaucoup de savants lorsqu'ils expliquent ce passage. ولذلك قال فإن طريق أهل التمثيل أنهم يمثلون الخالق بالمخلوق والعياذ بالله وكأنهم نسوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. Et donc eux, quand ils disent, ils comparent le créateur aux créatures, c'est comme si qu'ils ont oublié la parole du créateur lorsqu'il dit il n'y a rien qui est comparable à lui. Subhanahu wa ta'ala. On a un autre verset aussi où Allah Azza wa Jalla dit « Hal ta'lamu lahu samiyya ?» « Lui connais-tu un égal ?» Dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit « Lui connais-tu un égal, un semblable ?»« Wa lam yakun lahu kufwan ahad ?» Dans un verset, Allah dit qu'il n'a pas d'égal. « Fala taj'alu lillahi andada ?» Allah dit aussi « N'attribuez, n'assignez pas à Allah Azza wa Jalla des semblables. »« Wa ma ajbaha dhalika min al-ayat ?» Et donc, de la même manière, d'autres versets aussi confirment que Allah Azza wa Jalla n'a pas de semblable. Rien ne lui est comparable. Donc le croyant, la croyante, considère que le Créateur, rien ne lui est comparable, subhanahu wa ta'ala. Il est dit que le premier qui a fait de la comparaison, on peut rester sur le terme en arabe, التمثيل il est dit يقال ان اول من قال بالتمثيل هشام ابن الحكم الرافضي. Il est dit que c'est un homme qui se nommait Hisham ibn al-Hakam, le fils de al-Hakam al-Rafidi. Cet homme là il est rapporté que c'est le premier, certains disent que le premier qui a déclaré cela et fait de la comparaison, et temthil, C'est un homme qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam al-Rafidi. لأنه الرافضة وثنيون فلما كان وثنيا لأن الرافضة و لأن الرافضة وثنيون فلما كان وثنيا قال بتماثل الخالق بالمخلوق لكن أواخرهم صاروا على العكس من هذا فصاروا معتزلة تماما حيث إنهم ينكرون الصفات. Au départ, Rafida, ils étaient Mumathila. L'auteur nous enseigne, nous dit au départ, Rafida, ils étaient Mumathila. Pourquoi? Parce que Rafida, c'était des idolâtres. Et donc, ils ont adhéré au Tamthil, à l'anthropomorphisme. Donc, comparer le créateur aux créatures. Sauf que plus tard, lakin, awakhirahum, sauf que les derniers d'entre eux, plus tard, ceux qui viendront, plus tard, ils deviendront à l'inverse. Ils proclameront l'inverse de ce qu'ils proclamaient au départ. Au départ, ils proclamaient la comparaison de Tamthil. Plus tard, ils vont proclamer l'inverse, la négation des attributs. Pourquoi? Parce qu'ils vont adhérer au dogme mu'tazilite. Et du fait qu'ils vont adhérer au dogme mu'tazilite, fassaru mu'tazilan tamaman, ils deviendront mu'tazilan tamaman haythu innahum yunkiruna as-sifat. Et donc on voit qu'à la fin, eux, ils font partie des partisans de ceux qui nient les attributs divins. Thumma qala al-musannif. Après que l'auteur nous dit, donc on peut confirmer à travers les textes du Coran, à travers les preuves textuelles, qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre le créateur et la créature. Et les textes indiquent, comme on a cité les versets précédemment, « Laïsa kamithlihi shay, rien lui est semblable. »« Afama yakhluq, kaman la yakhluq, afala tazakkaroun » Dans un verset, Allah dit, « Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée pas. Ne vous rappelez-vous donc point. وَقَوْلُهُ أَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ Et dans un autre verset, le verset 65 de Sourate Maryam, lui connais-tu un semblable à Allah, yani. Dans le verset, l'auteur va nous donner une très belle faïda. Dans le verset, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Le premier verset qu'a mentionné l'auteur, c'est la parole du Créateur d'Allah Azza wa Jal, le verset célèbre « Rien ne lui est similaire ». Rien ne lui est similaire, c'est dans la sourate 85, le verset 11. Dans la sourate 85, le verset 11. Regardez en arabe. Le verset, il est dit « Laysa ka mithlihi shay ». Lorsque vous observez dans la langue arabe, Leïsa, ensuite on a Kamithlihi. Kamithlihi, vous avez le Kaf, la lettre Kaf. Ensuite vous avez le mot Mithli. Mithlihi, Al-Mithl. Donc ici, il y a une lettre qui est rajoutée. Le Kaf, il est rajouté. Sinon le terme c'est Mithl. C'est Mithl en arabe. Kamithlihi. Donc le Kaf ici, il est rajouté. Shay'un. Leïsa ka mithlihi shay'un. Ça, c'est le verset. Souvent traduit par il n'y a rien qui lui est semblable. Et donc, de ce fait, le Coran indique que les attributs du Créateur sont en aucun cas comparables aux attributs des créatures. Mais observez bien le verset. Les grands savants spécialistes de la langue arabe, pour bien comprendre le verset, قالوا أي شيء من الأشياء لا يكون مماثلا لله. Le sens du verset c'est que toute chose أي شيء من الأشياء, toute chose parmi les choses en aucun cas sont similaires et comparables à Allah. والكاف هنا صار فيها جدال كثير كبير من العلماء. والكاف هنا Sara fiha jidalun kabirun min al ulama. Et le kef, on vient de mentionner la lettre qui est rajoutée ici, puisque à la base on a le mot mithl, mithl qui veut dire comme, on a le kef aussi, qui a le sens aussi de comme, et notre traduction relative. Là, ça suscite un grand débat chez les savants sur ce kef et mithl. Vous avez vu, pourtant le verset est clair. Sauf que les savants ont en quelque sorte décortiqué, et vous savez, chaque lettre, vous savez, souvent, les lettres qui sont Zaïda, qui sont rajoutées, elles sont étudiées de manière minutieuse par les grands spécialistes du tafsir, par exemple, et les grands spécialistes de la langue arabe. Ici, ça suscitait un grand débat chez les savants. لِأَنَّ وُجُودَهَا مَعَ مِثْلِ مُشْكِلِ. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a le kef avec le mithl, ça causait problématique pour les savants de la langue arabe. Ici, le fait qu'il y ait un kef et le mithl. إِذْ كُلُّن مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْثِيلِ. Pourquoi ? Parce que les deux dans la langue arabe indique la comparaison. At-tamthil, les deux. Si vous mettez le kef tout seul, kef, bayti ka baytik. Ma maison est comme ta maison. Tu peux dire de cette sorte. Bayti ka baytik. Ma maison est comme ta maison. Je peux dire aussi bayti mithl baytik. Ma maison est comme la tienne. Je peux utiliser le mithl. Je peux utiliser le kaf. Ka. Mithl, on peut traduire de manière relative en arabe, comme. Comme. Ici, ils sont réunis les deux dans le verset. Laysaka mithli. Mithlihi shay'un. Et donc, les savants, ils ont observé. Pourquoi l'union des deux ? فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء. Ça serait comme si qu'on dit, par exemple, ليس مثل مثله شيء. Puisque كاف vient avec le sens de مثل. Jusque là, vous comprenez. C'est comme si en français, par exemple, on aurait deux termes, deux particules, qui ont le même sens de comme. Et on les unit les deux particules. فمعناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل. Il dit, en fait, lorsque tu dis ليس مثل مثله شيء, le sens de cela, il n'y a rien comme comparable comme lui, littéralement. Il dit, le sens serait annaka, tu confirmes al-mithl wa nafayt al-mumathala anha hadha al-mithl. En fait, tu confirmes al-mithl, par contre, tu nies que ce mithl est incomparable et insemblable, littéralement. Il dit wa hadha tanaqud, et pris comme cela, au premier abord, on pourrait penser, en mettant les deux, qu'il y ait contradiction. Les annaka idha nafayta al-mumathala an al-mithl lam tuthbit al-mithl. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si toi tu nies la comparaison du mithl, alors tu n'as pas confirmé le mithl. Si tu nies la comparaison au comme, alors c'est comme si tu n'as pas affirmé le comme. Alors il dit, donc c'est littéralement, ma dum tataqul inna mithlahu laysa shay'un mithlahu idhan huwa laysa mawjoudan aslan. Il dit par exemple, si tu dis inna mithlahu, certes comme lui, il n'y a rien comme lui, certes inna mithlahu, certes comme lui, laysa shay'un mithlahu, il n'y a rien qui est comme lui. Idhan, donc, on peut comprendre laysa mawjoudan aslan, que dans ta parole, on peut dire c'est comme si tu nies l'existence à l'origine. comme si que tu nies l'existence à l'origine. Ouais, d'ailleurs, tu as dit tanaqulu al-zahir. Et donc, d'une manière apparente, on pourrait penser qu'il y aurait alors forcément une contradiction. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, les savants ont divergé dans la manière de comprendre l'union des deux. Dans la manière de comprendre l'union des deux. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَافَ زَائِدَةٌ لِلْتَوْكِيدِ. Donc là, je vous traduis, c'est une très belle faïda. C'est une très belle faïda pour bien comprendre le verset. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Certains savants ont dit qu'en fait, le kaf, il est zaïd. Il est rajouté. Ça arrive dans la langue arabe, on rajoute. Il y a un rajout de lettres. Pour confirmation. C'est ce qu'on appelle التوكيد. C'est ce qu'on appelle التوكيد. Et souvent dans le Coran, il y a rajout, par exemple, d'une lettre pour confirmer et affirmer. Ce qu'on appelle التوكيد. Pour insister. Pour insister sur le sens. Par exemple, dans de nombreux versets, par exemple, il est dit, il y a des exemples où il y a la mention de Nun al-Tawkid, le Nun pour insister, pour confirmer, ou bien le Lam aussi. Par exemple, et ça c'est fréquent dans le Coran, à titre d'exemple dans le verset Laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakt la yahbatanna amaluk. Non, en traduction native du verset, il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi. Allah Azzawajal s'adresse au prophète, sallam, en lui disant, il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi, parmi les prophètes et les messagers, la in ashrakt la yahbatanna amaluk, que si tu me donnes un associé, toutes tes œuvres seront vaines et annulées. Le verbe employé c'est la yahbatanna. Or, le verbe en réalité, seul, sans qu'il y ait de lettres rajoutées, c'est habita, habita yahbat, habita yahbat. C'est le verbe habita. Mais regardez ici, il est dit la yahbatan. Ensuite, le verbe il est mis au mudalia. Le passé c'est habita. Le mot d'alia, yahbat. Donc, Allah Azza wa Jal aurait pu dire, la in ashrakt, si tu donnes un associé, yahbat amaluka. Mais Allah a dit, la yahbatan amaluk. Il y a un lam devant qui est rajouté. Donc on voit que le lam il est zaïd avec le nun, c'est-à-dire ça vient dans le sens de, si on dit juste yahbat, ça vient dans le sens tes œuvres sont annulées. Avec le rajout de ces lettres dans la langue arabe, ça veut dire certainement, très certainement, il y a une insistance, très certainement elles seront annulées. Donc lorsqu'on rajoute le nun taukid par exemple, ou le lam, c'est pour insister. De fait, là, les savants, ils ont dit « Laysa ka kamithlihi ». Vous avez vu, je vous ai donné un exemple qui est fréquent dans le Coran et dans la langue arabe de lettres ajoutées, par exemple. De pouvoir ajouter un nun ou bien lam taukid, par exemple. Là, ici, le kef et les aïd. En l'occurrence, ici, le kef, c'est un rajout. Pourquoi ? Le premier avis chez les savants, « Lit taukid ». Pour confirmer et insister sur le sens. Wa taqdiru al-kalam laysa mithlahu shay' wa innal mithlahuna 'ala babiha wa ma'naha kama yatabadaru ila al-dhihn fa innal 'arab qad tutliqu mithla hadhihi al-'ibarati wa turidu dhat al-shay' kama yaqulun mithluka la yuhzam wal muradu anta la tuhzam lakin adafu dhalika ila al-mithl لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى وهذا تعبير سليم وليس فيه إشكال. Là c'est très pertinent. Regardez, certains savants ils ont dit comment comprendre le verset, c'est que dans la langue arabe, donc là c'est vraiment on est dans les subtilités de la langue arabe, le kaf, ça serait la lettre ajoutée, au mithl. Et donc, taqdir al-kalam, laysa mithlahu shay. Et donc, qu'est-ce qui est sous-entendu? Qu'il n'y a rien de semblable. Laysa mithlahu shay. Rien ne lui est semblable. Wa inna al-mithl huna ala babiha. Wa ma'naha kama yatabarru ila al-dhihn fa inna al-arab tutliq mithl hadhihi al-ibara. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, cette manière de s'exprimer était connue à l'époque. Les Arabes s'exprimaient de cette manière. Et donc c'est pour cela, d'une manière absolue, وَتُلِيدُ ذَتْ شَيْءٍ. Lorsqu'il s'exprimait de cette manière, par exemple, dans une expression, il pouvait dire مِثْلُكَ لَا يُهْزَمْ. Comme toi, c'est-à-dire les gens comme toi, ne sont jamais vaincus. Comme toi, ceux comme toi ne sont jamais vaincus. Voilà, pour être dur de cette manière, une expression, par exemple en arabe, on pourrait dire Mithluka la yuhzam. Comme toi, ou ceux comme toi ne sont jamais vaincus. Qu'est-ce qui est voulu par là? Quel est le sens de cela? Ceux comme toi ne sont jamais vaincus. Al-muradu anta la tuhzam. Lorsqu'on dit ceux comme toi ne sont jamais vaincus, si je m'adresse à toi en te disant ça, ceux comme toi ne sont jamais vaincus. En fait, je veux dire toi. Ça sous-entend toi. Toi, tu n'es jamais vaincu. Et les Arabes, parfois, s'exprimaient. Les Arabes s'exprimaient comme cela. Ceux comme toi ne sont jamais vaincus. C'est-à-dire toi, tu n'es jamais vaincu. C'est dans ce sens-là. Pourquoi ? لكن أضاف ذلك إلى المثل. Mais ils lui ont attribué le mithl, ceux qui sont comme toi. Ceux qui sont comparables à toi sont jamais vaincus. En voulant sous-entendre lui. Lui. Pourquoi ? لأنه إذا كان مثلك لا يهزم. Pourquoi il s'exprime de cette manière ? Dans le sens que si ceux qui sont comme toi ne sont jamais vaincus. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, a fortiori, à plus forte raison, que toi, tu n'es pas vaincu. Si ceux qui sont comparables à toi, la yuhzam fa anta, donc toi, à plus forte raison, puisque ça s'adresse à toi, à plus forte raison, tu n'es pas vaincu. Vous comprenez la subtilité de l'expression? Donc, ceux comme toi ne sont point vaincus, en fait, il voulait dire toi, tu n'es pas vaincu. Toi, tu n'es point vaincu. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى فالله تعالى من باب أولى. Donc c'est comme si il est dit que celui qui est comme Allah n'est pas vaincu, donc c'est-à-dire que, pardon, n'est pas comme lui, là, le terme sujet d'Allah. فإذا كان مثل الله ليس له مثل. C'est-à-dire que celui comme Allah n'a pas de semblable, à plus forte raison, Allah n'a pas de semblable. Allah n'a pas de semblable. C'est-à-dire, si on s'exprime comme ça, comme Allah n'a pas de semblable. Créateur comme Allah n'a pas de semblable. On comprend la phrase. Ça veut dire que Allah, à plus forte raison, n'a pas de semblable. N'a pas de semblable. وهذا التعبير سليم. Et Cheikh ici il dit cette expression elle est correcte. Cette expression est correcte. وليس في إشكال. Il n'y a aucune problématique à cela. Certains savants, dans l'observation de la langue arabe, ils ont dit en fait qui est rajouté c'est le mithl. Vu la différence, certains savants ont dit que dans ka mithlihi ليس ka mithlihi. Beaucoup de savants ils ont dit la lettre rajoutée c'est le kaf. Là, d'autres savants, ils ont dit non, c'est le mithl qui est rajouté. Le rajouté ici, c'est mithl. Et vous avez vu, lorsqu'on dit que c'est la lettre kaf qui est rajoutée, ça a conséquence sur le sens. Ça donne un sens. Lorsque on dit que c'est le mithl qui est rajouté, il y a qu'on est tardir leïsa kahua shay. Leïsa kahua shay. فالزائد إحدى هاتين الكلمتين ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل لأن زيادة الحروف كثير في اللغة العربية لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجودا mais Et donc dans ce sens, la lettre, il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien comme lui. Là, Cheikh il nous dit, si on devrait dire que l'un des deux, donc l'une des deux lettres, est rajoutée, soit le kaf, soit le mithl. Il dit, il n'y a point de doute que le plus juste, ça serait que le kaf, le premier avis. C'est la lettre rajoutée. Pourquoi ? Parce que dans la langue arabe, souvent, ce qui est rajouté, c'est la lettre et pas le nom, pas les noms. Or, mithl ici est nom. On a le kef qui est une lettre ou un mithl qui est un ism. Donc, mithl ici, tout à l'heure on a dit deux lettres, mais en fait, il y a une lettre qui est kef et mithl qui est un nom. Et dans la langue arabe, ce qui est fréquent, c'est que ce qui est rajouté, ce qui est zaïd, c'est les lettres. Ce qui est lettre, c'est plus fréquent que ce soit les noms. La kinziyadat al-asma qalilun. C'est peu fréquent que ça soit un nom qui soit rajouté. Idha kana, in kana mawjoudan, si vraiment cela est existant. Voilà, ça c'était une faïda. Ensuite, lui, Cheikh, il va continuer. Il va évoquer encore l'avis de certains savants. Sur le commentaire du verset sur l'observation de la langue arabe. C'est pour ça que, en conclusion, le verset on peut traduire « Laysa kamithlihi shay » « Il n'y a rien qui est semblable à lui. Il n'y a rien qui lui soit similaire. » Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu l'importance de la compréhension de la langue arabe. Ensuite, pour terminer, Shir ensuite, après avoir mentionné l'auteur, les versets, il dit, quant aux arguments rationnels, donc là c'était les arguments textuels. Dans les textes, Allah Azzajal nous dit, lui connais-tu un pareil ? Dans un autre verset, il n'y a personne qui lui soit égal. Dans le verset qu'on vient d'étudier précédemment, Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui soit similaire. Dans un autre verset, Allah Azzajal dit, une traduction relative du sens, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas ? Allez-vous réfléchir ? Donc, ça, c'est des preuves textuelles qui prouvent que, en fait, rien n'est égal et semblable au Créateur. Donc, ça prouve que, dans le Coran, dans le noble Coran, le Coran indique que rien n'est semblable au Créateur. Donc, on ne peut pas comparer le Créateur aux créatures. Maintenant, l'argument rationnel serait de dire, il dit, en ce qui concerne l'argument, lié à la raison, il prouve, il dit, la fausseté de cette croyance, de différentes manières. Premièrement, il dit, on sait nécessairement qu'il y a entre le créateur et la créature une différence au niveau de l'essence, c'est-à-dire au niveau de l'être. Cela implique qu'il y ait nécessairement une différence entre eux au niveau des attributs. Donc si on sait nécessairement qu'il y a une différence de l'être entre Allah et ses créatures, alors forcément il y a une différence dans les attributs. Et ça, la raison peut concevoir cet argument, la raison saine. De ce fait, il dit, parce que l'attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. Donc lorsqu'on qualifie Allah, Azza wa Jal, c'est pas comme lorsqu'on qualifie la créature. Cela paraît clairement dans les attributs des créatures, lesquelles possèdent des essences différentes. Il dit par exemple, ça pour les créatures, ça apparaît. Que pour les créatures, ça varie. Il dit par exemple, la force d'un dromadaire diffère de celle d'un microbe. Si la différence entre les créatures qualifiées d'adventicité, hudouth et de contingence, imkan, apparaît évidente, cette différence entre la créature et le créateur est encore bien plus évidente et plus importante. Donc si déjà entre les créatures, on voit la différence, lorsque par exemple on compare la force d'un microbe avec la force du dromadaire, on voit la différence. Si cette différence-là, elle apparaît entre déjà les créatures, quel est le cas de la différence entre le créateur et la créature? Ça, c'est le premier argument rationnel qu'il cite. Le deuxième argument rationnel qu'il dit, que l'on dise, comment se peut-il que le Seigneur, créateur et parfait sous tous les aspects, soit comparable au niveau de ses attributs à la créature asservie et imparfaite. La bonne raison, la raison saine, ne peut pas concevoir cela. Comment il se pourrait, comment se peut-il que le Seigneur, le Créateur, est celui qui détient les attributs de perfection, et celui qui est parfait de tout, sous tous les aspects, comment peut-il être comparable à l'être qui est imparfait, qui est asservi, qui a besoin qu'on lui apporte la perfection? On ne peut pas comparer celui qui est parfait, celui qui détient les attributs de perfection, à l'être, la créature imparfaite, qui a besoin qu'on lui apporte la perfection. Une telle croyance n'est-elle pas une atteinte aux droits du Créateur? La comparaison du parfait avec l'imparfait fait du parfait un imparfait. Vous avez ce qu'il dit ? La comparaison du parfait à l'imparfait fait du parfait l'imparfait. C'est pour cela qu'il faut pas, on ne peut pas comparer le parfait à l'imparfait. La créature est imparfaite, alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, détient les attributs de perfection. Troisième argument rationnel, il dit, pour terminer, nous constatons chez les créatures ce qui s'accorde au niveau du nom, tout en se différenciant au niveau de la réalité et de l'essence. Ainsi, l'homme possède des pieds qui ne sont pas comme ceux de l'éléphant. Pourtant, tous deux sont des créatures du Créateur. L'éléphant et l'homme. Pourtant, leur pied est différent. Par contre, ils s'accordent au niveau du nom. Le nom, c'est le pied. Donc là, on parle du pied de l'éléphant et du pied de l'homme. Ils s'accordent donc au niveau du nom. Par contre, ils diffèrent au niveau de la réalité et de l'essence. Ainsi, l'homme possède des pieds qui ne sont pas comme ceux de l'éléphant, qu'il possède une force qui n'est pas pareille à celle du dromadaire, bien qu'il ait en commun le nom. Bien qu'ils aient en commun le nom. Donc, par exemple, les créatures, ils ont en commun le nom, mais pas forcément au niveau de la réalité et de l'essence. Chez l'homme, comme chez ces deux animaux, on parle de choses communes, par exemple pied et force, comme il a cité l'exemple. Donc on parle de choses communes. Mais il y a une différence entre elles au niveau de l'essence et de la description. Même s'il y a des choses qui sont communes. Mais la différence, elle, au niveau de l'essence et de la description. On conclut dès lors que l'accord entre les noms des deux choses différentes n'implique pas que leur réalité soit la même. N'implique pas que la réalité soit la même. Et comme cela, on a fini là la partie concernant la comparaison. Concernant la comparaison. Et dans la prochaine assise de mardi, Inch'Allah, si Allah nous permet, on terminera, Inch'Allah, la partie concernant At-Tashbih. La comparaison. Et on commencera Al-Kayf. On commencera Al-Kayfiyya. Pour terminer juste, il reste un petit passage. Pour Tashbih, restez ce passage. Le Tashbih, ressemblance, est comme le Tamthil, similitude. On peut cependant les distinguer de la manière suivante. Le Tamthil est l'égalité au niveau de tous les attributs. Quant au Tashbih, c'est l'égalité au niveau de la majorité des attributs. Cependant, user de l'expression Nafy Tamthil, ou la négation de la similitude, prévaut et meilleur car étant en accord avec l'expression du Coran. Laysa kamithlihi shay'. Ça, on l'expliquera dans la prochaine assise de mardi, si ça nous le permet. Et ensuite, on étudiera At-Takyif. On s'est arrêté maintenant au niveau du Takyif. Donc là, on a lu la traduction de expliqué ce qu'on a lu au début de l'assise concernant At-Tamthil. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم